Sortez, monsieur, dit Madame Hulot. Sortez et ne reparaissez jamais devant moi. Sans la nécessité où vous m'avez mise de savoir le secret de votre lâche conduite dans l'affaire du mariage projeté pour Hortense. Oui, lâche, reprit-elle à un geste de Crevel. Comment faire peser de pareilles inimités sur une pauvre fille, sur une belle et innocente créature? Sans cette nécessité qui poignait mon cœur de mère, vous ne m'auriez jamais reparlé. Vous ne seriez plus rentré chez moi. 32 ans d'honneur, de loyauté de femme ne périront pas sous les coups de Monsieur Crevel. Ancien parfumeur, successeur de César Birotteau à la Reine des Roses, rue Saint-Honoré, dit railleusement Crevel, ancien adjoint au maire, capitaine de la garde nationale, chevalier de la Légion d'honneur, absolument comme mon prédécesseur. Monsieur, reprit la baronne, Monsieur Hulot, après 20 ans de constance, a pu se lasser de sa femme. Ceci ne regarde que moi, mais vous voyez, monsieur, qu'il a mis bien du mystère à ses infidélités, car j'ignorais qu'il vous eût succédé dans le cœur de Mademoiselle Josépha. Oh ! S'écria Crevel, à prix d'or, madame, cette fauvette lui coûte plus de 100 000 francs depuis 2 ans. Ah ah, vous n'êtes pas au bout. Trêve à tout ceci, monsieur Crevel. Je ne renoncerai pas pour vous au bonheur qu'une mère éprouve à pouvoir embrasser ses enfants sans se sentir un remords au cœur, à se voir respectée, aimée par sa famille, et je rendrai mon âme à Dieu sans souillure. Amen, dit Crevel avec cette amertume diabolique qui se répand sur la figure des gens à prétention quand ils ont échoué de nouveau dans de pareilles entreprises.